Non, moi je connais bien la brigade, ce sont des bons gars. J'estime qu'ils ont aidé vraiment nos jeunes. Et comme ça s'est terminé là, ça ne se terminera jamais. Ils ont donné l'envie. Maintenant, il y a plein de petites brigades un peu partout, hein, surtout en Afrique, là, au pays. Mais je trouve que c'est bien parce que c'était courageux d'aller là-bas. Hein. À Paris, tout ça, il fallait le faire. Hein. Non, c'était bien. Hein.